sourire accroché à ta bouche. Il y prend du plaisir. Faudrait pas qu'on y touche. Te fait mal, il sait se faire petit, mais garde le moral, il est trop bien ici. Il a déjà son coin, et dès que je pense à toi, ça y est, le revoilà, il n'était pas. Dans tes pensées, quand tu te sales, tu souris. Les gens que t'as croisés restent un peu ébahis.